Audiomatique. Le compositeur Steve Roach vient de donner le ton à cette transmission 168 d'Audiomatic grâce à sa pièce Opening Sky tirée de l'album Dynamic Stillness. En explorant aujourd'hui la musique dite ambiante, les électronistes souhaitent offrir à leurs auditeurs une pause relaxante du bruit constant auquel nous sommes soumis durant la période des fêtes. La musique, peu importe sa forme ou son style, évoque toujours des ambiances. Il y a pourtant un genre musical qui se dédie complètement à cette finalité artistique, la musique ambiante. Sans faire d'analyse approfondie, on pourrait dire que de la musique ambiante, qu'elle installe des atmosphères, qu'elle inspire des paysages visuels à notre esprit ou encore qu'elle réussit à se faire discrète, pouvant même passer presque inaperçue. D'ailleurs, un des compositeurs marquants de la musique ambiante, Brian Eno, mentionnait que la musique ambiante doit être capable d'accommoder tous les niveaux d'intérêt sans forcer l'auditeur à écouter. Elle doit être discrète et intéressante. La musique ambiante peut être instrumentale ou non et se décline en une panoplie de genres et sous-genres incorporant de nombreux styles musicaux. À Audiomatic, nous explorons, comme vous le savez, la musique dite électronique. C'est donc cette avenue que nous emprunterons au cours de cette transmission 168 afin de vous offrir une infime représentation de ce que peut être la musique ambiante. Thank you. cette longue séquence musicale audiomatique avait comme trame principale un extrait de la pièce LA 5 de Moby, d'une durée de 35 minutes 39 secondes, qui se retrouve sur l'album Long Ambience One Calm Sleep. Au cours des dernières années, Moby s'est mis à composer des musiques très ambiantes pour accompagner ses sessions de yoga et de méditation, ou pour l'aider à dormir ou encore à apaiser ses moments de panique. Le résultat, 11 pièces équivalent à plus de 4 heures de musique. Vous pouvez télécharger gratuitement cet album en vous rendant dans la section discographie du site de Moby au moby.com, le M-O-B-Y.com. Et à cette longue pièce de Moby se sont amalgamées 3 autres compositions. En dernier lieu, nous entendions le Britannique Andrew Lagowski et son projet SETI, qui est un acronyme pour Search for Evidence of Terrestrial Intelligence. Nous entendions la pièce Aurora, tiré de la compilation Anti-Trade. Il ne faut surtout pas confondre ce projet d'Andrew Lagowski avec le duo SETI qui s'écrit sans point entre les lettres, mais qui crée également des musiques ambiantes sur étiquette Instinct Ambient. Précédemment à SETI, nous avions droit au compositeur Kerry Lehmer, qui est né à Winnipeg mais qui a grandi aux États-Unis et qui œuvre depuis la fin des années 70. Il nous présentait sa pièce Interior de son album Statistical Truth. Et pour débuter, l'artiste californien Barry Craig, mieux connu sous son pseudonyme A-Produce, nous interprétait la pièce Dwell, qui est extraite de la compilation Soundscape Gallery Series 1. Barry Craig a débuté sa carrière au début des années 80 et il est malheureusement décédé le 4 septembre 2011 à l'âge de 59 ans. La prochaine séquence musicale audiomatique s'amorce avec le morceau 433 composé par John Cage. On peut décrire cette composition comme étant 4 minutes 33 secondes de silence, mais en réalité elle est constituée des sons de l'environnement où se trouve l'auditeur. Ce morceau, qui se veut davantage une expérimentation, doit être appréhendé comme une remise en question de la notion même de musique. John Cage considérait le silence comme une note musicale, et selon lui, le silence doit en fait désigner l'ensemble des sons non voulus par le compositeur. La pièce 4 minutes 33 se veut aussi un constat que Cage réalisa quant à l'impossibilité de trouver le silence quel que soit l'endroit où l'on se trouve. On peut ainsi dire que le silence constitue une ambiance en soi. Le morceau a été écrit pour le piano et est structuré en 3 mouvements principaux. Il fut exécuté pour la première fois le 29 août 1952 par le pianiste David Tudor, qui signala les débuts des mouvements, les 3 mouvements de la pièce, en fermant le couvercle du clavier et la fin de chacun des mouvements en ouvrant le couvercle. Durant la diffusion radiophonique que vous offrent les électronistes, la pièce sera différente évidemment pour chaque auditeur qui écoutera cette partie de l'émission, puisqu'elle est constituée de l'ambiance sonore dans laquelle chaque auditeur se trouve durant la diffusion de la pièce. Le début de la pièce sera marqué par l'énonciation 4 minutes 33 de silence débute maintenant et la fin sera marquée par l'enchaînement avec la deuxième pièce de la séquence musicale. Quatre minutes 33 de silence débute maintenant. cette séquence musicale à Audiomatic se terminait sur la pièce Zerkalo Part 5, composée conjointement par les artistes Robert Rich et Andrei Sadovnikov, ce dernier œuvrant sous le pseudonyme de Farius. Avant cela, nous écoutions le projet Rapoon et sa composition Groundswell, paru sur l'album The Fires of the Borderlands, sorti en 1998. Et pour amorcer cette séquence, les électronistes vous offraient la diffusion de la pièce 4 minutes 33 secondes de silence, composée par John Cage et jouée pour la première fois en 1952 par le pianiste David Tudor. La pièce qui mettra un terme à cette transmission 1C8 d'Audiomatic est tirée de l'œuvre Sleep du compositeur Max Richter. Cette œuvre de musique classique contemporaine a une durée de 8h23, à savoir ce que devrait être approximativement une nuit de sommeil. C'est d'ailleurs le concept de l'album, dont les différents mouvements sont basés sur les cycles du sommeil. L'extrait de cette œuvre que nous allons entendre s'intitule Space 26 Epicardium. Les électronistes qui espèrent que vous avez su apprécier cette émission dédiée à la musique électronique ambiante, si par cet exercice nous n'avons pas réussi à capter totalement votre attention, nous souhaitons du moins avoir titillé votre curiosité et que vous aurez envie d'en connaître davantage par vous-même. Pour réentendre cette transmission 1-6-8, ainsi que toutes les autres, nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Nous vous invitons également à syntoniser le 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour notre transmission 169. Voici donc pour terminer Max Richter et Space 26 Epicardium. Bonne écoute! Et à la semaine prochaine.